hauteurs de la souffrance. La vie parfois fait son chemin. Aujourd'hui je chante et je danse, mais le ferai-je encore demain? Mais le ferai-je encore demain? Encore demain? Saurais-je encore m'émerveiller de la vie et de ses beautés? Verse le vin, passe le joint. Chaque matin est un cadeau, chaque sourire.